Bonjour, ici Valérie Levé au microphone de CKRL 89.1 et c'est l'heure de partir en exploration scientifique avec Futur Simple. Une émission à saveur environnementale aujourd'hui, mais sous deux angles bien différents. À 18h30, il sera question de protection de la biodiversité à travers une bande dessinée qui sort en librairie cette semaine. Cette bande dessinée s'intitule « Un sacrifice tout naturel, les ratés de la protection de la biodiversité au Québec ». C'est une bande dessinée écrite et dessinée par Martin PM qui a mené toute une enquête journalistique pour comprendre les péripéties réglementaires entourant des projets de développement résidentiel qui empiètent sur des milieux naturels dans la région de Montréal. Donc Martin PM sera au micro à 18h30 pour parler de son enquête et présenter sa bande dessinée. Et pour le moment, c'est de CO2 ou plus précisément de capture et de séquestration du carbone dont nous allons parler. On entend qu'il faut réduire les émissions de GES, mais en même temps, si on émet plus de GES, le CO2, si on n'émet plus de GES, pardon, le CO2 émis, lui, ne va pas disparaître du jour au lendemain. Et d'autre part, on ne peut pas supprimer toutes les émissions de GES. C'est pourquoi, à côté de ces objectifs de réduction des émissions de GES, on parle aussi de captage ou capture, on va voir quel terme il faut utiliser. Donc captage, capture et séquestration du CO2. Et pour comprendre ce dont il s'agit, je reçois Ilyes Tebich. Il y est associé de recherche à l'Institut national de recherche scientifique et il travaille justement sur la séquestration du CO2. Bonjour Ilyes. Bonjour Valérie. Ah ben, ça me fait bien plaisir d'ailleurs de te revoir puisque tu es déjà venu au micro de Futur Simple il y a quelques années quand tu étais au doctorat, mais bon, tu as grandi et maintenant tu es associé de recherche à l'Institut à l'INRS. Alors, on va parler de ces fameuses solutions de captage et séquestration du CO2. D'ailleurs, là, je dis captage, capture. Quel est le vrai mot? J'ai l'impression qu'on voit les deux. Durant mon doctorat, donc dans ma thèse. Donc, le vrai mot, c'est captage. On a tendance à utiliser capture, mais c'est vraiment un anglicisme de capture, carbon capture. Donc, c'est le vrai terme en français, c'est captage. D'accord. Ouais. Donc, captage en français, captage et séquestration du CO2. Et il faut rappeler quand même que ces solutions de captage et de séquestration, ça vient après des efforts qu'on doit faire sur la réduction de la consommation d'énergie et donc réduction des émissions de CO2. C'est d'abord ça en premier lieu. Effectivement. Idéalement, il faut travailler d'abord sur la réduction de la consommation énergétique, donc plus précisément sur l'efficacité énergétique. Alors, le monde, parfois, a peut-être de la misère à faire le lien entre les deux, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'écrasante majorité des émissions de CO2 qu'on a émis, particulièrement depuis l'ère industrielle, est due à nos besoins énergétiques qui ne cessent de grandir. Alors, ces émissions-là sont soit émises de manière directe, qu'on peut plus facilement voir, ou de manière indirecte. Alors, des émissions directes, c'est tout simplement, par exemple, vous avez froid, vous avez besoin de vous faire un feu pour vous réchauffer. Bon, vous allez créer de la chaleur, vous allez brûler du gaz ou du pétrole ou du bois, donc vous allez émettre en passant du CO2. Les utilisations indirectes, c'est parfois plus caché, mais aujourd'hui, on a tous des laptops, des cellulaires, des téléviseurs. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que pour avoir fabriqué ces outils-là de notre ère, ça prend beaucoup d'énergie pour aller extraire et raffiner surtout les différents matériaux et métaux qui ont servi à la fabrication de ces outils-là. Et donc, l'effort pour faire de l'efficacité énergétique, d'abord, la définition, l'efficacité énergétique, c'est vraiment le fait de venir réduire notre consommation d'énergie pour le même bien ou service qui a été fabriqué. Ouais. Et concrètement, peut-être quelques exemples où on pourrait faire ça. Tout d'abord, dans le secteur résidentiel, c'est peut-être ce qui parle le plus aux gens. Donc, le monde savent que, exemple, s'ils agissent s'ils ont une meilleure isolation chez eux, ils vont avoir la même température dans leur résidence tout en réduisant leur consommation d'énergie. Dans le secteur des transports, en préparant cette émission, là, j'étais allé voir, un petit peu par curiosité, la Toyota Corolla, c'est une des voitures les plus vendues de l'histoire de l'automobile. Et j'étais allé regarder le premier modèle qui a été fabriqué en 1969, Si vous savez, vous, ça prenait environ 17 secondes pour atteindre une accélération de 0 à 100 km/h. Alors, avec les modèles d'aujourd'hui, 50 ans plus tard, on arrive à faire ça en moins de 10-12 secondes. Ouais. Donc, une nette amélioration sur le rendement. Mais le fait qui est encore plus intéressant, c'est que la consommation de carburant de l'époque était de 30 litres au 100. Ah oui. Aujourd'hui, on parle plus de 7, voire 4,5 litres au 100. Ah. Donc, une nette amélioration. Alors, c'est ça, c'est un exemple où on a le même service, voire un petit peu mieux, mais en ayant agi mieux sur l'efficacité énergétique. Ouais, mais là, on agit sur l'efficacité énergétique, mais en même temps, si on gagne en efficacité énergétique, on consomme moins d'énergie, mais nos besoins grandissent en même temps. Donc, nos bâtiments sont mieux isolés, ils consomment moins, mais on a besoin de se chauffer davantage, ou alors on a des espaces plus grands, on a des maisons plus grandes. Donc au final, des fois, il y a cet effet rebond qui fait qu'on ne consomme pas toujours moins d'énergie. Et pour les voitures, c'est un peu pareil, parce que bon, la Corolla, oui, il y avait les Corollas, mais maintenant on a des SUV qui consomment plus que les Corollas. Effectivement, ça dépend de la façon avec laquelle on voit les choses. Moi, j'ai tendance à penser qu'on vit quand même dans une très belle époque, dans un très beau pays où on a accès à beaucoup de ressources naturelles. On a quand même la responsabilité de rationaliser notre consommation. Mm-hmm. Alors, effectivement, ça peut créer des effets de rebond. Mais j'ai quand même l'impression que ça, c'est un sujet à part qui doit être adressé définitivement. Mais toute proportion gardée, je pense que, vous savez, même si on a une meilleure isolation, je pense pas que les gens vont avoir tendance à augmenter leur température dans leur résidence à 30 degrés Celsius, par exemple. Ah non, quand même pas, je pense pas, ça me surprendrait. Mais il y aura toujours des personnes qui vont peut-être monter le chauffage puis laisser les fenêtres ouvertes par négligence ou par d'autres mécanismes. Il faut agir sur ça définitivement, mais je pense que les deux approches sont intéressantes. Ouais. Donc, il y a la réduction de la consommation, que ce soit bon, de façon rationnelle, par l'efficacité énergétique. Ça, c'est la première solution, mais ça ne fera pas tout le chemin. Donc, c'est là qu'arrive le captage et la séquestration. Donc, commençons par le captage. En fait, c'est quoi? Le captage, c'est tout simplement le fait de venir isoler le CO2 des autres gaz. Vous savez, quand on émet le CO2, typiquement, si on regarde une cheminée industrielle ou le pot d'échappement de votre voiture, les gaz qui sortent, il y a du CO2, mais il n'y a pas que. Il y a de l'azote, il y a de l'oxygène, il y a de la vapeur d'eau. Et donc, le captage du CO2, c'est vraiment le processus qui nous permet de venir isoler cette CO2 pour qu'on puisse en faire quelque chose après. D'accord. Donc là, il y a des processus qu'on connaît déjà pour capter ce CO2 à la sortie du pot d'échappement ou une cheminée d'usine. Oui, effectivement, sur la chaîne de valeur de captage, utilisation, séquestration de CO2, je vous dirais que c'est pas mal ce qui est le plus maîtrisé. On sait faire ça depuis plusieurs décennies déjà. Et particulièrement dans le contexte de l'énergie pétrolière et gazière, parce que vous savez, quand vous allez chercher le gaz, dans les gisements de gaz, souvent, ça vient avec un peu d'impureté dans le CO2. Donc, les gazières ont eu tout intérêt à développer des processus qui leur permettaient d'isoler le CO2 d'un mélange gazeux. Mais je vous dirais que le captage, c'est pas mal le début du problème ou du défi plutôt que la fin. Parce que c'est pas mal ce qui est le plus maîtrisé. Mais après, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que une fois capté, c'est des volumes énorme de CO2 qu'on va devoir dealer avec. Et puis en plus, c'est du gaz, donc c'est volumineux. Donc exactement. On en fait exactement. Quoi? On le liquéfie? Qu'est-ce qu'on en fait après? Ça peut être une solution, mais c'est surtout surtout qu'il faut trouver une débouchée pour ce gaz-là. Donc c'est là que vient la séquestration, notamment qu'il y a une des approches possibles. Et la séquestration, souvent, on va essayer de voir où est-ce que, tout simplement, on peut enfouir le CO2 sous terre. Okay. Donc, typiquement, ça se passe dans des vieux gisements de pétrole qu'on a déjà exploités par le passé ou dans différentes formes géologiques qu'ils permettent. Et ce qu'on cherche ici, c'est surtout l'intérêt pour les vieux puits de pétrole, je vous dirais, c'est que souvent, c'est des réservoirs qui ont déjà fait leurs preuves. Donc, ils ont déjà séquestré ou gardé du pétrole ou du gaz pendant des siècles. Donc, On sait que c'est relativement étanche et que si on remet le CO2 là-dedans, avant il y avait peut-être du méthane ou d'autres gaz. Exact. On remet du CO2, on pense que ça va y rester. Normalement, c'est ça. C'est relativement étanche. C'est pas parfait, mais c'est ça. D'accord. Ça, c'est une solution, effectivement. Ouais. L'autre solution, c'est dans la chaîne de valeur CUSC, donc carbone captage, séquestration, utilisation de CO2, c'est l'utilisation. Parce que l'enjeu avec la séquestration, c'est qu'il faut avoir une place qui permet la séquestration. Et ce n'est pas tous les pays ni les endroits du monde qui ont accès à des puits de pétrole ou des réservoirs géologiques naturellement qui permettent de faire ça, ou que la législation parfois n'est pas nécessairement facilitante là-dessus. Donc c'est là qu'intervient le volet utilisation du CO2, qui est encore moins développé que le volet séquestration. J'ai préparé une liste de quelques applications qui sont possibles avec ça. Je vais peut-être commencer, si vous le permettez, avec les utilisations actuelles qui sont utilisées aujourd'hui, qu'on maîtrise. À quoi ça sert le CO2? Peut-être première utilisation, c'est dans l'eau pétillante. C'est peut-être l'exemple qui parle le plus au monde. Mais là, on va en faire pétiller beaucoup de l'eau. Hein. Exact. Donc là, l'enjeu, c'est vraiment un enjeu de volume. Ouais. Avant de venir ici, j'étais allé voir sur Internet. Vous savez, les petites bouteilles là, qui servent à... que vous mettez dans vos petites machines là, qui fait de l'eau gazeuse, ça contient à peu près 400 grammes de CO2. Donc, en termes de grandeur d'échelle, on est carrément sur une autre planète. Au Québec, il faut le savoir, on émet aux alentours de 80 millions de tonnes de CO2. C'est ça. Donc, même si tout le monde se mettait à boire de l'eau gazeuse, ça ne fera pas grand-chose, je vous dirais, sur le bilan carbone du Québec. On va pouvoir faire des bulles dans les piscines aussi, là. Exact. Ouais, mais ça aidera pas grand-chose. Non. Mais deuxième utilisation, c'est tout ce qui concerne la réfrigération. Vous savez, dans votre réfrigérateur ou dans votre pompe à chaleur ou climatiseur de voiture, vous savez, l'espèce de petit fluide là, qui sert à créer le froid. Juste pour mettre les gens en contexte, au début, on utilisait les CFC, chlorofluorocarbures, qui ont fini par être interdits parce qu'on avait découvert qu'ils faisaient des trous dans la couche d'ozone. Et on avait remplacé ça par des HFC, des hydrofluorocarbures, qui sont un autre produit chimique, qui a l'avantage de ne pas causer de problème pour la couche d'ozone, mais qui, en l'occurrence, a un gros potentiel de réchauffement climatique. Donc, pour la même quantité, on parle de milliers de fois de pouvoir réchauffant de ces fluides-là comparativement au CO2. Donc, l'idée, c'est de remplacer ces fluides-là par le CO2 qui peut très bien faire le travail. Oui, effectivement. Bon, ça se fait déjà. Il y a beaucoup de monde qui ont des pompes à chaleur qui fonctionnent avec un cycle au CO2. Je vous dirais que peut-être l'enjeu avec ça, c'est que souvent avec le CO2, comparativement au HFC, on a besoin parfois d'aller à des pressions plus élevées. Donc, le compresseur doit s'adapter, les équipements en termes de sécurité, etc. Puis le deuxième enjeu est que on a beau réfrigérer, la grandeur, la quantité de CO2 qui va être consommée ne va pas être assez... Ça ne suffit pas encore. Il faut trouver d'autres utilisations. Exactement. Oui. Mais ça m'amène à parler de l'utilisation qui peut-être prend le plus des CO2 à l'échelle industrielle, c'est tout ce qui concerne l'extraction améliorée de pétrole. Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est, je simplifie un petit peu, mais pour extraire le pétrole, vous savez, vous creusez un puits, un orifice dentaire, puis voilà, vous injectez un fluide, on va dire de l'eau, puis la pression que vous créez en injectant ce fluide-là, ça va permettre de sortir le pétrole du puits. Et donc, les gens se sont aperçus qu'en substituant l'eau avec du CO2, ça permettait d'extraire encore plus de pétrole. C'est pour ça qu'on parle d'extraction améliorée de pétrole. Donc, il y a carrément un intérêt économique à faire cela. Ça permet de rentabiliser un peu l'opération, parce que si on envoie du CO2 dans le sol, comme ça, il y a un coût quand même à faire ça. Donc, qui va bien vouloir faire ça gratuitement? Personne. Exactement. Donc là, je comprends que ça permet de rentabiliser un peu le procédé. C'est ça, exactement. Donc, on extrait plus de pétrole. Ouais. Donc, on parle d'un volume d'à peu près 50 millions de tonnes par année de CO2 qui est injecté. L'extraction améliorée de pétrole. 52 millions de tonnes par année au Canada? Dans l'Amérique du Nord, particulièrement. En Amérique du Nord? Les États-Unis puis l'Ouest canadien. C'est pas grand-chose par rapport à tout ce qu'on émet, ça, non plus. Rien qu'au Québec, on parle de 80 millions de tonnes d'équivalent CO2. Donc, c'est ça. C'est, en relatif, c'est pas assez important. C'est plus que ce qu'on met dans les bouteilles d'eau gazeuse, mais définitivement. Ça suffit pas définitivement. Encore. Définitivement, pas encore, non. Ouais. Non. Encore, en plus, il y a un petit côté problématique à cette application-là, parce que dépendamment de la perspective que vous prenez, vous pourrez vous dire, effectivement, vous utilisez le CO2, ça va vous permettre d'extraire plus de pétrole, donc vous émettez plus de CO2. C'est ça. De l'autre façon, D'une autre perspective, vous pouvez voir ça comme je rentabilise mon puits, j'extrais encore plus de pétrole par puits, donc je rationalise ma consommation. Bon. Peut se questionner sur le bilan CO2 du procédé, parce qu'on envoie du CO2 sous terre, mais on extrait du pétrole, la combustion de ce pétrole va générer du CO2, et tout ce processus-là général émet aussi du procédé. Exact. Donc quel est le bilan au final? Souvent, il n'est pas intéressant, mais c'est pour ça que je vous parlais de différentes perspectives. Ouais. Ça m'amène à parler d'un autre secteur aussi où la consommation de CO2 est assez importante, c'est la production de carbonate précipité. Ouais. Les carbonates précipités, c'est le CaCO3. C'est un des marchés les plus importants d'utilisation de CO2, mais là, il y a un bémol. On va s'apercevoir qu'il y a toujours un bémol quelque part dans les différentes technologies d'utilisation de CO2. C'est parce que pour produire les carbonates précipités, alors, juste pour dire, c'est un composé, c'est un additif fonctionnel qui est très utilisé en industrie de pâte et papier, les industries pharmaceutiques ou le plastique. Ah. Puis souvent, on veut qu'il soit le plus pur possible. Donc la façon qu'on produit ça, c'est que d'abord, on a recours à la roche qui est la calcite, qui est rien d'autre que le CaCO3, mais avec beaucoup plus d'impuretés. Quand on va d'abord calciner, donc on va enlever le CO2, quand on va... Calciner, on brûle pour le calcite? On chauffe à très haute température. Ouais. On va chauffer à 700-800 degrés Celsius. On libère le CO2, ça va nous donner du CaO. Quand on va remélanger avec de l'eau, ça va nous donner du CaOH2, donc la chaux. Quand on va par la suite... à laquelle on va ajouter le CO2, donc ça va finir par nous donner du CaCO3, mais à plus grande pureté. D'accord. Donc, c'est un peu l'équivalent du régime alimentaire. Je vais courir 2 km, puis je vais manger une poutine. En fin de jeu, ça ne fait pas grand-chose sur votre bilan calorique. Donc, c'est ça. Peut-être un autre secteur... Mais on en utilise beaucoup de ce CaCO3, là. On en a vraiment besoin de quantités suffisantes pour utiliser beaucoup de CO2. C'est un marché très important. Ah ouais. Je ne me rappelle pas exactement du chiffre, mais c'est dans le top 5 de l'utilisation du CO2 aux États-Unis. D'accord. Ah oui, quand même. Ouais. Donc, c'est quand même assez important. Quelques millions de tonnes par année. Ça m'amène à parler d'un autre secteur qui est tout ce qui est fertiliseur ou engrais. Mm-hmm. Particulièrement les engrais azotés, donc qui sont à base d'ammoniac et de CO2. Donc c'est un secteur qui utilise beaucoup de CO2. On parle d'à peu près un 3/4 de tonne de CO2 par tonne d'urée produite. Le bémol avec ça est que souvent pour produire de l'urée, il faut produire du NH3, donc de l'ammoniac, qu'on va mélanger avec le CO2 pour faire de l'urée. Le problème avec l'ammoniac, c'est que la façon qui est produit, l'ammoniac, c'est du NH3. Donc l'azote, c'est pas compliqué, on le prend de l'air, on va isoler l'azote de l'oxygène, puis on va prendre de l'azote. L'hydrogène, en contrepartie, il est souvent produit à partir du gaz naturel. Ouais. On parle de plus de 90% de marché mondial de production d'hydrogène qui est à base de gaz naturel. Ouais. Donc, en d'autres termes, c'est un peu l'équivalent des carbonates de calcium. On va venir prendre le gaz naturel, on isole l'hydrogène, on produit le CO2, quand on va par la suite mélanger pour produire des engrais. Donc le bilan, on le voit très bien, là, le bilan n'est pas très très... Effectivement. Ouais. Dans le meilleur des cas, il est nul. Ouais. Mais dans ces deux dernières utilisations, là, que ce soit pour les engrais ou pour le... Je me souviens jamais, là, le calcium... Les carbonates de calcium. C'est ça. Ouais. Donc là, on utilise déjà du CO2. Exact. Mais il vient d'où, ce CO2 qu'on utilise déjà? Dans le cas, par exemple, de la production des carbonates, souvent, on va prendre le même CO2 qui a été émis lors de la calcination de la chaux. D'accord. On va prendre un autre CO2. Ah, c'est ça. Donc, on tourne en boucle, là, finalement. Exact. Parce qu'on a besoin de chauffer. Donc, on émet du CO2. Donc, on le recircule dans le procédé. Donc, ça ne permettrait pas forcément de... Pas nécessairement. Le bilan, comme je disais, dans le meilleur des cas, il va être nul. D'accord. Ça m'amène à parler... Et évidemment, toutes ces applications sont déjà... elles ont déjà leur marché, donc elles ne viendront pas, en d'autres termes, compenser nos diverses émissions. Ça m'amène peut-être à parler des applications qui sont plus dans le monde de la recherche. Je ne sais pas si on reste encore du temps. Un petit peu, allons-y. Okay. Bon, je vais essayer de passer rapidement. Donc, tout ce qui est carburant synthétique. Ah oui. Donc, je vous disais au début de l'émission, c'est que la raison pourquoi on émet le CO2, c'est souvent on a besoin de produire de l'énergie. Donc, on va brûler un carburant quelconque qui va produire le CO2. Eh bien, c'est tout à fait possible de partir dans le chemin inverse, c'est-à-dire prendre le CO2, puis revenir vers le carburant. Mais vous me voyez peut-être venir, ça prend de l'énergie pour faire cela. C'est ça. Et donc, Ça, c'est une application qui aurait du sens uniquement dans le cas où vous avez accès à une énergie qui est très peu chère et qui est décarbonée. Sinon, votre bilan carbone et votre bilan énergétique va pas être intéressant. Et ici, juste pour donner un ordre d'idée, là, ça coûte entre 200 à 400% plus cher produire des carburants synthétiques à partir du CO2 que de les produire à partir des chemins traditionnels. Ah, on en consommera moins comme ça. Exactement, exactement. Imaginez un prix à la pompe de 4-5 $ le litre. Là, ce serait pas très intéressant. D'accord. Et en terminant, en fait, vous, Ilyes, vous travaillez sur quoi à l'INRS ? Est-ce que ça fait partie de vos sujets de recherche ? Pas la production de carburant, je suis plus dans tout ce qui est captage, minéralisation du CO2. Donc mon doctorat était vraiment sur la minéralisation, donc comment partir du CO2 gazeux pour produire un minéral qui va permettre de stocker le CO2 de manière permanente, ou toutes les procédés de captage de CO2. Ouais. Mais pourtant vous avez dit au début, le captage c'est quelque chose qu'on maîtrise. Effectivement, on maîtrisait, mais dans des conditions particulièrement de... Vous savez, ces procédés-là, quand ils ont été mis en œuvre, ils s'intéressaient particulièrement à l'industrie pétrolière. Puis, une des caractéristiques de cette industrie-là, c'est qu'elle a beaucoup d'énergie. C'est l'industrie qui génère l'énergie. Donc, en d'autres termes, ils mettaient moins l'accent sur leur consommation d'énergie et ils avaient beaucoup moins de volume à traiter comparativement à ce que nous, on a aujourd'hui. Donc, oui, effectivement, c'est très maîtrisé. Mais c'est surtout maîtrisé dans les conditions des pétrolières. Donc, il y a beaucoup de choses à faire aussi, encore en termes de recherche et développement là-dessus. Il y a peut-être d'autres sources de CO2 un peu plus diffuses aussi, qu'on n'est pas capable de capter non plus. Exactement. Parce que là, on parlait des pots d'échappement des voitures. Je ne pense pas que pour l'instant, on soit capable de capter le CO2 qui sort des pots d'échappement. Écoutez, c'est un sujet de recherche sur lequel on devrait commencer à travailler. Je ne devrais pas trop en parler là parce que le contrat n'est pas signé. Il y a des enjeux de confidentialité. Mais c'est un des projets de recherche sur lesquels on se penche, on devrait se pencher durant les prochaines semaines. Puis là, il y a tout l'accent va être mis surtout sur... Vous savez, vous venez capter le CO2 d'un échappement de voiture, il y a tout l'enjeu de la mobilité, du poids et du volume que vous devriez prendre en compte quand vous allez installer ces équipements-là, qui ne sont pas nécessairement importants quand vous voulez installer ça dans une industrie. Très bien. Ben, peut-être qu'il faudra revenir pour nous parler d'autres, du captage que vous avez étudié jusqu'à présent, sans que ce soit confidentiel. Je comprends que ça, c'est un projet un peu plus confidentiel. On n'a pas encore les pour l'instant. Mais il y a quand même déjà des choses qui ont été réalisées au laboratoire. Écoutez, ça va me faire plaisir de revenir. Ben, ce sera un plaisir de vous réinviter pour revenir nous parler de ces technologies de captage. Je vais m'y faire. C'est captage qu'on dit. Captage, séquestration ou utilisation du carbone. Merci beaucoup, Ilyes. Merci beaucoup, Valérie. Alors, nous étions en compagnie de Ilyes Tebich, qui est associé de recherche à l'INRS, l'Institut national de recherche scientifique, Centre Eau, Terre, Environnement, ici même à Québec.